إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le coup 39 dans les durus de Kitab al-Tawhid et on a commencé la semaine passée le chapitre Babun fi ma ja'a fi dhabhi li ghayrillah, qu'est-ce qui a été rapporté au sujet du sacrifice ou de le fait de sacrifier un animal pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et on a expliqué la signification des ayats qui ont été rapportés à ce sujet-là, que le cheikh avait mentionné. Et on a expliqué également qu'il y avait aussi un hadith à ce sujet-là, et on était justement arrivé à l'explication du hadith. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est expliquer le hadith que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, expliquait ou a mentionné à ce sujet-là dans ce chapitre. C'est un hadith qui rapportait عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. في حديث rapporté selon Ali ibn Abi Talib qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit quatre phrases. Là, et chacune de ces phrases, c'est une invocation de la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur quelqu'un en particulier. La première, c'est que Allah maudisse, que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur celui, plutôt c'est que Allah maudisse, ou Allah a maudit celui qui égorge pour autre que Allah. Ça c'est le premier. Le deuxième, Allah a maudit celui qui insulte ou qui maudit ses parents. Ça c'est le deuxième. Troisièmement, Allah a maudit celui qui protège un criminel. On va voir les détails de ce point, qu'est-ce que ça signifie. Et la dernière, c'est que Allah a maudit celui qui change les indications sur la terre. Puis on va expliquer, il y a plusieurs explications de cette phrase-là aussi. Chacune, des fois, il y a certaines phrases qui ont été interprétées différemment par les ulama. Donc, on va voir les différentes explications données pour chacune de ces phrases-là par les ulama de l'islam. Et le hadith, il est authentique, rapporté selon Muslim, et il est dans son sahih. Donc, c'est un hadith authentique. Donc, le cheikh Salih al-Fawzan, rahimahullah wa hafizahullah, il dit: قوله لعن الله من لعن والديه إن الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فحق الوالدين يأتي دائما بعد حق الله وكذلك النهي عن الإساءة إلى الوالدين تأتي بعد الإساءة في حق الله سبحانه وتعالى كما في حديث السبع المبيقات أو السبع المبيقات فالذبح لغير الله إساءة في حق الله سبحانه وتعالى ثم ذكر تنقص الوالدين والإساءة إليهم بلعنهم فلا يجوز للولد أن يشتم والديه وهذا من الكبائر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعله واللعن على الشيء يدل على أنه كبيرة سواء لعنهما بالمباشرة أو بالتسبب فبعض الناس لا يلعن والديه مباشرة ولكن يتسبب في ذلك بأن يلعن والدي رجل آخر ثم يرد عليه بالمثل أو بالمثل فيكون متسببا في لعن والديه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه قالوا وكيف يشتم الرجل والديه يا رسول الله أو يا رسول الله فقال يشتم أبا الرجل فيسب أباه ويشتم أم الرجل فيسب أمه نعم donc le cheikh il dit premièrement que la parole du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit que Allah a maudit celui qui a insulté ses parents ça c'est parce que Allah a toujours mis le droit des parents tout de suite après le sien dans plusieurs versets dans le Coran tu vois que Allah il parle de ses droits à lui comme le droit qu'il a d'être adoré lui seul et qu'on ne doit rien associer avec lui et tout de suite après dans le verset on voit que Allah il dit et d'être bon envers les parents ça c'est le droit que nos parents ont sur nous donc Allah passe son droit puis tout de suite après le droit des parents donc c'est pour montrer que les parents ont un droit très grand sur nous d'accord et le cheikh il dit que comme dans le verset 36 dans sourate An-Nisa wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ça c'est un exemple adorez Allah et n'associez rien avec lui et soyez bon envers vos parents donc le droit des parents vient toujours après celui d'Allah et également lorsque Allah interdit aux êtres humains comme il interdit de manquer de respect envers les parents, ça vient toujours après le fait de manquer de respect ou de manquer aux droits que Allah subhanahu wa ta'ala a sur nous. Et comme c'est mentionné également dans le hadith qui mentionne As-sab'ul mubiqat, c'est-à-dire les sept grands péchés qui t'amènent à ta perte. Ok? Qui commence par le shirk, et ensuite qui descend de ainsi de suite donc ça c'est un exemple et ensuite le cheikh il dit donc de sacrifier pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est de faire du shirk c'est de donner un droit qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et de l'offrir à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'offrir l'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un exemple, puis tout de suite après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne le fait de manquer de respect envers les parents. Et parmi les exemples de manquer de respect, c'est de les insulter, de les maudire. Donc, c'est pas permis pour un enfant d'insulter ses parents. Ça fait partie des grands péchés. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui faisait ça. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui insultait ses parents. Et lorsque on entend dans un hadith, ou dans une ayah, ou dans un hadith, que Allah a maudit quelque chose, ça veut dire que ça fait partie des kaba'ir. Ça veut dire que ça fait partie des grands péchés. D'accord? Et parmi les choses qui font distinguer entre un petit péché et un grand péché, c'est lorsque ce péché-là a été réuni ou bien a été relié à une malédiction, comme al-la'na, comme dans ce hadith, ou bien à un had parmi les hudud, c'est-à-dire une punition spécifique parmi les punitions de la sharia, comme par exemple al-rajm, la lapidation pour ceux qui font le zina, ou bien couper la main des voleurs, ou bien les coups de fouet pour celui qui se saoule, ou bien par exemple la personne qui accuse faussement, sans produire de témoin, une personne d'avoir commis un zina, d'accord, il a 80 coups de fouet pour avoir calomnié ou accusé une femme ou un homme d'avoir fait le zina ou d'avoir fait l'homosexualité ou des choses de ce genre. Il a 80 coups de fouet s'il n'est pas capable de produire 4 témoins. D'autres exemples de ce genre, ça c'est des kaba'ir, parce que c'est relié à une punition spécifique dans la charia. Sinon aussi, ça peut être le fait que Allah a menacé la personne qui fait ce péché-là du feu de l'enfer, ou d'une punition quelconque dans l'akhirah. Donc, ça montre que ça, ça fait partie des kaba'ir, d'accord. Et donc, il y a ce point-là. Puis, c'est pour ça, pour distinguer entre qu'est-ce qui est une kabira et qu'est-ce qui n'est pas une kabira. Et le cheikh il dit ensuite, et c'est pas nécessaire pour que ce soit pour que quelqu'un insulte ses parents, c'est pas nécessaire qu'il les insulte directement, parce que quelqu'un peut insulter ses parents directement, et ça c'est, ça fait partie des kaba'ir. Celui qui fait ça, il est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui le fait en cause, disons, il insulte ses parents indirectement, comment? Parce qu'il insulte les parents de quelqu'un d'autre, et ça, ça fait en sorte qu'il a causé, ou il a été une cause dans le fait que cette personne-là va insulter ses parents à lui. D'accord? Donc toi, tu vas insulter les parents de quelqu'un, si tu insultes les parents de quelqu'un, c'est certain qu'eux, en retour, ils vont insulter tes parents à toi. Et donc, tu as été la cause du fait qu'eux, ils insultent tes parents, soit ta mère ou ton père. Hein? Donc, dans ce cas-là, c'est interdit d'insulter tes parents directement ou de faire en sorte que quelqu'un insulte tes parents parce que tu as insulté leurs parents. Donc, dans les deux sens, ça rend dans le péché. Comme le cheikh, il explique. Donc, il dit par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les kabair, parmi les grands péchés, c'est qu'un homme insulte ses deux parents. Hein, insulte ses parents. Il a dit, les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, est-ce que l'homme va insulter ses parents? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit, celui-là, il insulte le père de l'autre, et l'autre lui insulte son père à lui. Ou bien, celui-là insulte la mère de l'autre, et l'autre, il insulte sa mère, et ça fait en sorte que tu as insulté ta mère indirectement, ou ton père indirectement, ou tes deux parents indirectement. Puis malheureusement dans certaines sociétés, yani, c'est devenu une mode, ou bien pas une mode, mais yani, c'est devenu quelque chose comme banal d'insulter les parents des gens, et de s'insulter entre eux. Yani. Tu vois que pour certains, c'est comme si on dirait que s'insulter, c'est comme se dire bonjour, rien. C'est comme devenu une sorte d'habitude. Hein. Et ça, c'est parce que, il y en a, ces gens-là se sont éloignés de l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le cheikh, il continue à expliquer et il dit, والمسلم لا يجوز أن يكون لعانا ولا سبابا ولا بذيئا المسلم يجب أن يكون مؤدبا ويتكلم بالكلام الطيب وقول للناس حسنا ادفع بالتي هي أحسن هكذا ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه عن القول البذيء ولا سيما إذا كان هذا القول من أقبح الكلام كاللعن والسب والشتم وحتى البهائم والدواب والدور والمساكن لا يجوز لعنها فقد لعنت امرأة ناقة لها وهي تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ ما على الناقة وتركها تمشي ولا يتعرض لها أحد من باب التأديب والتعذير فلا يجوز لعن الآدميين ولا لعن الدواب ولا لعن المساكن أو السيارات أو غير ذلك. الشيخ يلتيك يعني كم كتكون جزاء فوق دي جاتي ont l'habitude de s'insulter constamment C'est comme ça même, je me souviens avant l'islam, mais quand on était jeune, souvent les gens ils ont l'habitude de s'insulter, de se dire des bêtises, des mauvais mots, des injures, des insultes, comme ça, comme si c'était rien. Oui, avant l'islam. Oui, c'est ça. Quand j'étais pas musulman, pas à l'époque, mais peut-être à l'époque de la Jahiliya, c'est-à-dire à l'époque avant l'islam, dans le sens que avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit venu aux Arabes et au monde entier, mais c'est pour dire que aussi, même dans notre petite Jahiliya individuelle, c'est-à-dire si quelqu'un était pas musulman puis il est converti ou bien il pratiquait pas du tout l'islam puis il a redécouvert l'islam après une certaine période de sa vie, et ben là il commence à voir que auparavant il avait pris des mauvaises habitudes. Parmi ces mauvaises habitudes là c'est d'insulter, de dire des mauvais mots, des trucs comme ça. Et donc le cheikh il explique, il dit que le musulman ce n'est pas permis pour lui d'être quelqu'un qui maudit tout le temps, qui insulte tout le temps et qui est vulgaire, hein. Le musulman il n'a pas le droit d'être vulgaire, il n'a pas le droit d'être quelqu'un qui maudit toujours et qui dit toujours des injures et des mauvais mots et des insultes tout le temps. Ça c'est pas la caractéristique d'un vrai musulman. Ça c'est la caractéristique d'une personne qui est mal éduquée, qui a pas de manière, ok, qui est comme les voyous, les gens qui traînent toujours dans les rues puis qui n'ont pas d'éducation. Donc ça c'est le caractère d'une personne qui est loin du Coran et de la Sunna dans sa pratique et dans sa compréhension. Donc le musulman ne doit pas être vulgaire, et le musulman il doit être bien éduqué, avoir une bonne éducation, un bon comportement, et il doit dire les bonnes paroles. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, et dites une bonne parole aux gens. Ça c'est le verset 83 dans sourate al-Baqarah. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Et ادفع بالتي هي احسن, sourate 96 dans sourate al-mu'minin, l'aya 96 dans sourate al-mu'minun, c'est-à-dire repousse par quelque chose de bien, par qu'est-ce qui est meilleur. Quand quelqu'un te fait du mal ou te dit quelque chose de mal, repousse ce mal par quelque chose de meilleur, c'est-à-dire par du bien, au lieu de répondre par une bêtise ou des mauvais mots. Et c'est comme ça que le musulman doit préserver sa langue des paroles vulgaires et des paroles basses. Il y a des gens qui, malheureusement, se rabaissent par leur vocabulaire, par leur langage. Ils parlent le langage de la rue, ils parlent toujours bas, des mauvais mots et des trucs de ce genre. Donc c'est toujours essayer d'élever son langage. Pas imiter la façon de parler des gens de la rue. Parce que souvent, bon, par exemple, ici, il y a des gens qui parlent d'une certaine façon, ça peut être vulgaire, même si les paroles qu'ils disent sont pas vulgaires, ça sonne vulgaire parce que c'est la façon qu'ils parlent, c'est comme les gens de la rue. Donc, il faut essayer d'éviter de parler de cette façon-là, puis parler avec un bon langage, parler correctement, sans parler de la manière des voyous dans la rue. Donc, le cheikh il dit, et encore pire, si c'est des paroles qui sont parmi les plus laides d'entre toutes les paroles, comme de maudire, de dire des jurons, des mauvais mots, des gros mots comme on dit. Et même les animaux, on n'a pas le droit de les insulter. Le cheikh il dit, les animaux, les bêtes, les maisons, les endroits où on habite, les habitations, c'est pas permis de les insulter, les voitures. On n'a pas le droit d'insulter même ces affaires-là. Mais dans le sens de les maudire ou d'invoquer la malédiction d'Allah sur elles. On n'a pas le droit. Et le cheikh il mentionne une histoire ici, il dit que une fois il y a une femme qui avait maudit une chamelle. Elle avait une chamelle, puis elle l'a maudit alors qu'elle était en train d'avancer avec elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'enlever ce qui était sur son dos, c'est-à-dire sur le dos de cette chamelle, et il a laissé cette femme marcher, et personne ne s'occupait d'elle par la suite, parce qu'elle l'a maudit, elle a invoqué la malédiction sur cette chamelle. Et ça c'était dans le but de la corriger cette femme, et de la punir, pour avoir insulté ou pour avoir maudit un animal. Donc c'est pas permis d'invoquer la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les êtres humains, sur les bêtes, sur les maisons ou sur les voitures et d'autres en général. D'accord? Ça c'est les paroles du chef ici dans cette partie-là. Et il dit ensuite وقوله لعن الله من آوى محدثا كالله maudit celui qui protège un criminel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chef dit آوى معناها حما والإيواء معناه الحما والدفع والمحدث هو الذي فعل جرما يستحق عليه إقامة الحد فيأتي واحد من الناس يحول دون هذا المجرم ودون إقامة الحد عليه بجاهه أو بقوته أو سلطانه أو بجنوده أو بغير ذلك فيمنع هذا المجرم من أن يقام عليه الحد وهذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh dit لعن الله من آوى محدثا. آوى ça veut dire c'est-à-dire protégé ou repoussé ou empêché. Et المحدث c'est celui qui a fait un crime qui mérite l'application d'une peine parce qu'il a commis un crime qui mérite une certaine punition ou une certaine peine. Et quelqu'un vient et il essaie de se mettre entre ce criminel et l'application de cette punition, soit par son statut, ou par sa force, ou par son autorité, ou par son armée, ou par autre chose, il essaie d'intervenir pour empêcher l'application de cette peine sur ce criminel. Celui-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a maudit. Et comme aussi, j'ai lu des explications de certains chouyours qui ont dit aussi, par exemple, si certains individus sont recherchés pour avoir fait certains crimes, sont recherchés par le gouvernement musulman, ou même non musulman parfois, et pour avoir fait certains crimes, comme en particulier lorsqu'il y a eu les actes de terrorisme, s'il y a parmi eux des gens qui ont été accusés, puis que toi tu les protèges, ou que tu ne les remets pas aux autorités, ou que tu n'informes pas les autorités de qu'est-ce que tu connais à leur sujet pour les faire arrêter, et bien dans ce cas-là tu rentres dans ce hadith-là. Parce que c'est comme si tu as protégé un criminel. Hein? Non, oui, même un gouvernement non musulman, tu as le droit de les aider pour ça. On a demandé la question à d'autres, à des ulama, comme Cheikh Ahmed al-Najmi, il a répondu à ce sujet-là. Puis il a dit oui, on doit les arrêter ces gens-là. Et yani, j'ai même lu que, par exemple, quand il y avait l'histoire qui s'est passée en Afghanistan, quand les talibans protégeaient Ben Laden et que l'Arabie Saoudite demandait de le ramener pour le faire juger selon la charia et que lui il refusait, ils ont utilisé ce hadith pour montrer que les talibans ont eu tort de le protéger de cette façon-là parce que ils devaient le remettre aux autorités. Et donc ils sont tombés dans la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause du fait qu'ils l'ont protégé alors qu'il méritait d'être jugé et puni pour un crime qu'il a commis. Après le cheikh il dit وفي الحديث الآخر من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره وفي حديث آخر تعافوا الحدود فيما بينكم فإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. Donc le cheikh il mentionne deux hadiths, mais il mentionne pas il mentionne pas les références de ce hadith, est-ce qu'ils sont de quel livre ils sont tirés ou de le niveau de leur authenticité. Toutefois c'est quelque chose que je vais devoir vérifier plus tard inchallah pour être certain que est-ce qu'ils sont authentiques ou non. Il dit que celui par exemple qui essaie d'intercéder en faveur d'une personne qui a fait un crime contre l'application d'un des jugements ou des peines des punitions d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a opposé le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith, ta'afou fil hudud fima baynakum. C'est-à-dire, quand il y a une punition qui doit être appliquée pour un crime que quelqu'un a fait, yani, faites preuve d'indulgence entre vous. C'est-à-dire, excusez la personne qui a fait le péché. Mais une fois que la chose est arrivée au dirigeant, au juge, ok, alors Allah maudit celui qui cherche à intercéder en sa faveur et celui pour qui on intercède. Donc ça veut dire que si par exemple tu as trouvé quelqu'un qui a volé, tu attrapes quelqu'un qui a volé, puis il y a des témoins et tout, puis tu décides de l'excuser, tu dis ok c'est correct, va-t'en. Dans ce cas-là, c'est correct. Mais si tu l'as amené au juge, tu dis, lui, il a volé, puis là, après, tu dis, ok, ben, je l'excuse, non, c'est fini, parce que maintenant que tu l'as amené devant le juge, tu peux plus maintenant reculer. Voilà. Et le cheikh, il dit, وَلَمَّا سَرَقَ رَجُلٌ رِدَاءَ صَفْوَانِ ابْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ بِالْمَسْجِدِ فَأَمْسَكَهُ صَفْوَانِ وَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فقال صفوان الرداء له يا رسول الله أنا ما أردت هذا قال هلا قبل أن تأتيني به يعني هلا سمحت عنه قبل أن تأتيني به. Donc le cheikh dit que lorsque un homme a volé le vêtement de Safwan ibn Umayya alors qu'il était dans la mosquée, Safwan ibn Umayya il l'a attrapé et il l'a amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on lui coupe la main. Alors Safwan a dit, je lui donne le vêtement au messager d'Allah, c'est à lui. Alors le prophète il a dit, je lui donne, c'est à lui, j'ai pas voulu ça pour lui, hein. C'est pas, je voulais pas qu'il se fasse couper la main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pourquoi tu l'as pas excusé avant de me l'amener, hein? Pourquoi c'est maintenant que tu me l'as amené que tu demandes de, tu l'excuses de ça? Donc le cheikh dit, فَإِذَا تَقَرَّرَ الْحَدْ فِي الْمَحْكَمَةِ الشَّرْعِيَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَنْفِيذِهِ إلا إذا كان في إقامة الحد عليه ضرر على غيره كالحامل إذا أقيم عليه الحد إذا أقيم عليها الحد تأثر الحمل فيؤخر إلى أن تلد وتجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطم أو تفطمه. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, une fois que la chose a été amenée à la cour, au tribunal qui juge selon la charia, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire d'exécuter, que le jugement soit exécuté. Sauf si il y a un mal qui peut aller à quelqu'un d'autre dans l'application de cette peine. Par exemple, si une femme qui a commis le zina, mais elle est enceinte durant ce moment-là, on ne va pas appliquer la peine de lapidation sur elle jusqu'à ce qu'elle ait accouché, puis que l'enfant soit capable d'être allaité par une autre femme, ou bien que s'il n'y a pas personne d'autre qui peut l'allaiter, qu'elle le nourrisse jusqu'à ce qu'il soit capable de manger par lui-même, et là, la peine sera appliquée sur lui par la suite. Sur elle, oui, pas sur lui. Exact, l'enfant est innocent. الحاصل أن إيواء أصحاب الجرائم التي تستوجب الحدود ومنع إقامة الحدود عليهم من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله. Le cheikh il dit donc, on peut conclure que de protéger les gens qui ont fait des crimes qui mérite des châtiments, hein, et d'empêcher l'application de ces châtiments-là sur eux, de ces punitions-là sur eux, ça fait partie des grands péchés. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui faisait une chose pareille, qui essayait de protéger un criminel contre l'application d'une peine sur lui. D'accord? وفي بعض الروايات بفتح الدال لعن الله من آوى محدثا والمحدث معناه البدعة ومعنى آوى المحدث أي رضي به فمن رضي بالبدعة ولم ينكرها وهو يقدر فقد آواها يعني من رأى البدع وسكت ولم يتكلم في إنكارها والبيان للناس أنها بدعة فقد آواها يعني حماها بسكوته وتركه لها فيكون مستوجبا للعنة فكيف إذا دعا إليها ودافع عنها والعياذ بالله لشيخ البي. Et dans d'autres narrations de ce hadith, il est rapporté avec une fatha au lieu d'une kasra sur le dal. Donc ça veut dire, au lieu d'être muhdithan, ça va être muhdathan. Ça veut dire une bid'ah. Donc celui qui protège, qui défend une bid'ah, alors il est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui défend une bid'ah? Ça veut dire qu'il est satisfait de cette bid'ah et il ne la dénonce pas, il ne parle pas contre elle, alors qu'il est capable de le faire. Donc, celui qui voit une bid'ah et qui se tait, et qui ne parle pas contre cette bid'ah, et qui ne clarifie pas aux gens que c'est une bid'ah, alors c'est comme s'il l'a protégé, ou il l'a défendu, hein, et il l'a défendu comment? Par son silence, par le fait qu'il s'est tu, alors qu'il était capable de parler. Donc, il mérite la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, si c'est le cas pour celui qui la protège par son silence, alors que peut-on dire au sujet de la personne qui appelle ouvertement à cette bid'ah, hein? Donc, le shaykh se dit, wa al-iyadu billah, que Allah nous protège. On cherche le refuge en Allah contre une chose pareille. Ensuite, le shaykh dit, ثم قال صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض. Que Allah maudisse celui qui change l'indication sur la terre, sur le territoire. On va voir ce que ça veut dire. Il y a eu plusieurs explications, il y a eu trois différentes interprétations à ce sujet-là. D'accord? Le premier, le chef, il dit, wa alaykum salam wa rahmatullah. En fait, il dit, al-manar, jam'u manara, wa hiya al-alama. Wal-murad bi manar al-ard lil-ulama fihi thalathatu aqwal. Le chef, il dit que al-manar, c'est le pluriel de manara. Al-manar, c'est quoi? C'est un signe. Un panneau ou un drapeau, quelque chose qui peut être utilisé pour indiquer quelque chose. D'accord? Manar, c'est le nom de la chaîne, mais ça peut être, mais dans le sens linguistique, ça veut dire quelque chose qu'on utilise pour indiquer quelque chose ou pour un signe. Comme par exemple un panneau de signalisation, ça c'est on peut dire que c'est un manar. Ou bien une borne, hein, une borne qu'on pose quelque part. Le phare, un phare, oui aussi, manar, ça peut être un phare. Ok. Mais en ce qui concerne la signification de ça dans un hadith, dans le hadith en question, les ulama ont trois explications pour expliquer cette chose-là. القول الأول أن المراد بمنار الأرض المراسيم ومعنى غيرها يعني قدمها أو أخرها عن مكانها. وفي الحديث من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. Ok, la première parole, ou la première chose qui a été dit à ce sujet-là, c'est que manar al-ard, c'est les lignes qui délimitent le terrain, un terrain quelconque. Et c'est-à-dire que quelqu'un l'avance ou le recule. Il avance ou il recule ces lignes qui divisent ou qui séparent ce terrain-là. ok, soit parce qu'il veut avoir un plus gros territoire, puis il veut enlever du terrain de son voisin, qui va changer la borne ou la limite, hein, pour essayer d'avoir un plus gros terrain. Et donc, le cheikh, il mentionne un hadith à ce sujet-là qui dit que celui qui faisait ça, eh ben, wa alaykoum salam wa rahmatullah, il allait avoir une punition au jour de la résurrection. Et la deuxième position, la deuxième parole à ce sujet-là qui a été rapportée, le cheikh dit, wa al-qawl al-thani, anna al-murad bi manar al-ard, a'lam al-haram al-ladhi يحرم قتل صيده وتنفيره ويحرم قطع شجره وحشيشه وأخذ لقطته فقد جعل الله حول الكعبة حرما من كل جانب وهذه المنطقة لا يدخلها مشرك ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد ولا يجوز القتال فيها إلا دفاعا والمراد بالمنار الأرض على هذا القول أنصاب الحرم أي الأعلام المجعولة على الحرم من كل جانب من جهة التنعيم ومن جهة الحديبية ومن جهة عرفات ونمرة ومن جهة الجعرانة أنصب مبنية أعلام وأعلام مقامة على حدود الحرم يرحمك الله. Le chef il dit que la deuxième position, qu'est-ce que ça veut dire al-manara dans ce hadith ou bien manara al-ard? Le chef il dit que ça veut dire les indications qui ont été placées pour délimiter le territoire sacré à Mecca, où on n'a pas le droit de chasser et où on n'a pas le droit de couper les arbres et l'herbe et où on n'a pas le droit de prendre ce qui a été retrouvé, des objets perdus, on n'a pas le droit de les prendre, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cet endroit-là un endroit sacré autour de la Kaaba. De tous les côtés, il y a des endroits qui indiquent à quel endroit ça commence et ça termine ce territoire qui est haram. On va laisser ça après, hein, pour pas déranger les gens, les déconcentrer dans le darf, inchallah. Donc c'est ça. Donc c'est un endroit qui est sacré, cet endroit-là. Pas le droit de couper les arbres, pas le droit de chasser, pas le droit de tuer des animaux ou des trucs de ce genre, hein. Et le chef, il dit, on n'a pas le droit non plus de combattre dans ce territoire-là, excepté pour se défendre. Et qu'est-ce qu'on veut dire par manar dans ce sens-là? C'est les endroits qui ont été ou les panneaux ou les indications qui ont été établies pour délimiter ce territoire-là, et il dit que c'est de chaque côté, comme par exemple les signes qui ont été mis comme à l'endroit qui s'appelle Tan'im, il y a un endroit qui s'appelle Mecca Tan'im, il y a un autre endroit qui est Al-Hudaybiyah, ça délimite encore une autre délimite du Haram, il y a aussi Arafat et Namira, et il y a Al-Ja'rana. Tout ça, c'est des endroits, des indications qui ont été établies pour délimiter le territoire sacré où est Al-Haram, pour savoir quand est-ce qu'on rentre et quand est-ce qu'on sort dans cet endroit-là qui est sacré. Non. C'est des panneaux, je pense qu'aujourd'hui c'est des panneaux, mais à l'époque probablement c'était juste des régions ou des montagnes ou quelque chose, un endroit spécifique, comme Al-Madina, la même chose, il y a un haram, Madina c'est un haram aussi, et Mecca c'est un haram, c'est pour délimiter, pour savoir quand est-ce que tu rentres dans l'endroit ou dans le territoire où tu n'as plus le droit de couper les arbres, chasser, des trucs de ce genre, Parce que c'est une terre sacrée, tu n'as pas le droit de tuer, tu n'as pas le droit de couper les arbres, tu n'as pas le droit de faire pour tout le monde. Pour que tu sois un hajj ou non, tu n'as pas le droit de faire ces choses-là. Des harams, non. Même le Qudsi, ce n'est pas un haram. C'est seulement Mecca et Medina qui sont des harams. Le Quds, Beit al-Maqdis, ce n'est pas un haram. On a le droit de couper les arbres, on a le droit de chasser dans cet endroit-là, il n'y a pas de problème. Aussi, je ne sais pas vraiment s'il y a encore des choses à chasser là-bas, mais Allahu A'lam, si c'était le cas, on a le droit de le faire, parce que ce n'est pas considéré comme étant un haram. Al-Qawl al-Thalith, la troisième explication à ce sujet-là, c'est que أن المراد بمنار الأرض العلامات التي على الطرق وكانت معروفة وفي وقتنا الحاضر اللوحات التي تجعلها المواصلات على الطريق هذه من منار الأرض فلا يجوز لأحد أن يغيرها عنها أن يغير هذه الأعلام لأنه يضلل الناس والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول. Le cheikh il dit que la troisième position c'est quoi? C'est que certains ulama ont dit que c'est les indications sur le chemin. À l'époque c'était connu, puis aujourd'hui encore c'est connu dans les pancartes sur l'autoroute, ou sur les petites routes, où on montre par exemple les directions de telle vers telle ville ou vers telle autre ville. Quelqu'un n'a pas le droit de venir pour les enlever ou les changer de place. Pour égarer les gens. Imagine quelqu'un qui veut aller vers telle ville, par exemple à gauche c'est telle ville et à droite c'est une autre ville, et il les change de place, la personne va se perdre, ou elle va aller vers une mauvaise direction. Donc ça rentre dans la signification des hadiths, et le cheikh il dit que la première explication, ou la première interprétation, c'est celle-là qui est la plus correcte, rajih. La première. Non. Ensuite, le cheikh dit, وعن طارق, là c'est un autre hadith que le cheikh a mentionné, et en réalité ce hadith là c'est plutôt une parole d'un tabi'i, si je ne me trompe pas, parce qu'il est sahih maqtour. Est-ce que c'est maqtour? Mawquf. صحيح موقوفا donc il est rapporté selon Tariq ibn Shihab, c'est ça, c'est pas un hadith, c'est une parole d'un sahabi, si je me trompe pas, ou d'un tabi'i, mais c'est une parole qui est quand même bien, qui est vraie. Même si ce n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa signification elle est vraie. Le cheikh il explique, il dit عن طارق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ici il est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comme on a dit, ce n'est pas attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam authentiquement. دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم ولهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقربه قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. الشيخ il raconte cette parole, comme on a dit, c'est موقوف, et c'est selon طارق ابن شهاب البجلي الأحمسي. صحابي جليل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون حديثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل صحابي ومراسل الصحابة مقبولة من غير شك لأن الصحابي لا يرسل إلا عن صحابي مثله، فمراسيل الصحابة ليست كمراسيل غيرهم لأنهم كلهم عدول. دخل الجنة رجل في ذباب، وهذا حديث عجيب، لذلك تعجب منه الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم ساقه ولم يبينه من أجل أن يتنبه أو أن يتنبه ويشتوق يتشوق لمعرفة معناه. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم، يعني من الأمم السابقة، لهم صنم. الصنم هو ما كان على صورة حيوان، أما ما عبد وهو على غير صورة حيوان كالشجر والحجر والبقر كالشجر والحجر والقبر، فهذا يسمى وثنا. فالوثن أعم من الصنم، لأن الصنم لا يطلق إلا على التماثيل، أما الوثن فيطلق على التماثيل وغيره، حتى القبر وثن إذا عبد. قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالوثن كل ما عبد من دون الله على أي شكل كان. Donc l'histoire, comme on a dit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici c'est attribué au prophète que deux hommes sont rentrés, un est rentré au paradis à cause d'une mouche, et l'autre est rentré au paradis à cause d'une mouche. Un est rentré en enfer à cause d'une mouche, et l'autre est rentré au paradis à cause d'une mouche. Alors, on a dit, comment au messager d'Allah, ils ont dit, parce qu'il y a deux hommes qui sont rentrés dans une ville, chez un peuple quelconque. Et ils avaient une idole, ce peuple avait une idole. Et chaque personne qui voulait traverser leur village ou leur ville, on leur demandait d'égorger quelque chose ou de sacrifier quelque chose pour cette idole. Alors, ils ont demandé au premier, sacrifie quelque chose pour notre idole. Il a dit, je n'ai rien à donner. Donc ils ont dit, n'importe quoi, utilise n'importe quoi pour sacrifier pour l'idole, même une mouche. Alors il a sacrifié une mouche et il est rentré en enfer. Après, l'autre, ils lui ont dit, sacrifie quelque chose, et il a refusé. Il a dit, je ne vais rien sacrifier pour quiconque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils lui ont coupé la tête. Ils ont frappé le cou avec une épée, et il est mort, et il est rentré au paradis. Parce qu'il a refusé de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, de sacrifier une mouche, on lui avait demandé de. En fait, on lui a demandé de sacrifier quelque chose, il a refusé tout de suite, du premier coup. Il a complètement, absolument refusé. Oui, n'importe quoi. C'est-à-dire, il a dit je ne vais rien sacrifier pour quiconque en dehors d'Allah. Donc, il n'aura même pas laissé la chance de négocier ou bien de lui proposer d'égorger quelque chose d'autre que, comme une mouche ou autre, ou plus petit qu'une mouche même. Donc, le cheikh, il explique que, comme dans cette histoire, c'est attribué au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que, ces deux hommes-là, ils sont passés près d'une idole, sanam. Le mot en arabe pour l'idole, c'est as-sanam. Et as-sanam, c'est qu'est-ce qui a été sculpté ou gravé dans la forme d'un animal ou d'un être humain, quelque chose qui a été sculpté, d'accord. Et le cheikh, il explique que c'est qu'est-ce qui a été sculpté dans la forme d'un animal ou d'un être humain, et soit c'est sculpté à partir d'un arbre ou d'une pierre. Et si c'est quelque chose qui n'est pas sculpté dans une forme spécifique, on l'appelle pas sanam, on l'appelle wathan. D'accord. Donc qu'est-ce qui est sculpté dans une forme spécifique d'animal ou d'être humain, on l'appelle sanam. Et qu'est-ce qui n'est pas sculpté, qu'est-ce qu'il n'y a pas une forme, on ne l'a pas formé dans une forme spécifique, on l'appelle watan. comme un arbre, une pierre, une tombe. Hein? Tu comprends? Donc, le terme donc de wathan, c'est plus large, ça englobe plus de choses que le terme sonam. Parce que tu peux dire que une idole, un sonam, c'est une wathan, c'est un wathan aussi. Dans le sens que ça, le wathan c'est plus large, et sonam c'est plus spécifique. Ouais. Ouais. Le wathan ça englobe tout. Parce que ça a une forme ou non. Tandis que un sonam c'est spécifiquement quelque chose qui a été sculpté. Puis le tarot c'est beaucoup plus vaste encore. Et que ça inclut aussi même le shaitan et d'autres choses en dehors de ça aussi. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ou qui est satisfait d'être adoré, ou bien des choses de ce genre, ou qui prétend connaître le rêve. Mais il a tout détruit. Mais il y avait des statues dedans, puis autour, puis il y avait des dessins, puis il y avait toutes sortes de choses. Il a tout détruit. Comme on a lu dans le Dars aussi, Afara'aytum Lat wa al-Uzza, on a vu que al-Uzza, qu'est-ce que c'était? Et puis c'était une, il y avait un endroit, c'était des arbres avec une maison, tout ça. Il les a détruits, ça aussi. Et Manat et tout ça, on a vu que il les a tout détruits. Donc il n'a pas seulement détruit les idoles, mais aussi les awthan, hein. Les tombes aussi sont des awthan. Non, c'est pas vrai. Au contraire, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand une de ses femmes lui a décrit qu'est-ce qu'elle avait vu en Éthiopie dans une église, le fait qu'ils avaient dessiné des dessins dans une église et tout, et ben le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens ». Parce que lorsque un d'entre eux, parmi les hommes pieux, il meurt, ils font ces dessins-là, hein, et ils font ces dessins-là, puis ils les adorent en dehors d'Allah. Donc, à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué la malédiction d'Allah subhanahu. Et il a ordonné à Ali ibn Abi Talib de partir et de détruire toute tombe surélevée et toute image ou statue de briser leur visage et de les casser. Donc ça veut dire que rien, il n'y avait pas d'exception dans les dessins ou dans les images, même pour celle de Isa ibn Maryam ou autre que Isa, hein, c'était tout interdit. Et même pour les chrétiens c'est interdit parce que dans leur Bible il y a l'interdiction de faire des images, des statues. Le premier commandement dans la Bible, le premier des 10 commandements dans la Bible, c'est que tu ne feras aucune image, tu n'adoreras rien en dehors de Dieu, et tu ne feras aucune image sculptée, gravée, hein, sculptée, dessinée ou gravée, de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans la mer. Donc c'est très clair, c'est très précis que personne n'a le droit de faire des images ou des représentations de ce qui est vivant. Hein. Et donc, même pour les chrétiens à ce principe-là, ils n'ont pas le droit de faire des images de ces choses-là. Toutefois, on voit qu'ils ont contredit même le premier fondement, le premier commandement de leur propre religion en faisant ces images-là dans leurs églises. Et si tu rentres dans une église, tu vas voir, c'est rempli d'images, de statues et de croix. Et toutes sortes de choses qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se mettent à genoux devant, et puis ils prient, hein, devant ces choses-là, ces images-là. Donc, tout ça c'est du shirk avec Allah qu'ils font. Et ça c'est interdit dans leur livre à eux de faire ça. Parce que c'est l'enseignement des prophètes. Et l'enseignement des messagers d'Allah c'est la même pour tous les prophètes. Hein? Alayhi salatu wa salam. C'est pas seulement pour l'islam qui a interdit le shirk. Tous les prophètes d'Allah ont interdit le shirk. Hein, dans ce sens-là. Ni celle de Jésus, ni celle d'aucun d'entre les prophètes. Il n'y a rien qui prouve que ces images-là ou ces représentations-là, ce sont ces personnes-là elles-mêmes. Parce que, à l'époque, il n'y avait pas d'appareil photo, il n'y avait pas rien pour prendre leur image. Et la preuve aussi, c'est qu'il y a tellement de représentations différentes qui se ressemblent même pas l'une de l'autre, c'est impossible que ce soit toutes des vraies représentations, parce qu'elles ne se ressemblent pas, ni l'une ne ressemble l'autre. Donc ça, c'est des preuves, hein. Les défunts, c'est vrai. Exactement, oui, oui. Oui, c'est vrai. Subhanallah, comme tu dis, c'est la vérité. Même les Shia, hein, étant donné qu'ils ont suivi les mouchriquins, eh ben, dans leur religion à eux aussi, ils se font des représentations de ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, et Al-Hassan al-Hussein radiallahu anhum, et d'autres aussi parmi leurs personnes, ouais. Même leurs chouyours, leurs liens qu'ils respectent parmi leurs imams, ils font leurs images et ils les mettent dans les murs et les trucs de ce genre, hein. Et ils les adorent en dehors d'Allah. Donc c'est des exemples comment ces gens-là exagèrent au sujet de certains êtres humains, et c'est ça ce qui les a fait tomber dans le shirk billah. Donc c'est pour distinguer entre al-sanam ou al-watan. Et le cheikh il dit que al-watan, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer que même une tombe peut être considérée comme une watan, il a mentionné le hadith Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua et il a dit oh Allah, ne fais pas que ma tombe devienne une idole qu'on adore, ou un watan. Hein? Donc ça prouve que même une tombe peut être devenir une idole, hein, si elle est adorée en dehors d'Allah. Et si elle est surélevée, ça aide aussi à ça, parce que les gens s'imaginent que plus sa tombe est grande, plus la personne qui est dedans est importante, et donc peut-être qu'elle a une position qui la rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il l'associe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc c'est il y a ça. Après le cheikh dit فقالوا لأحدهما قرب قالوا ليس قال ليس عندي شيء أقربه اعتبر بالعدم ولم يقل إن الذبح لغير الله لا يجوز أو هذا منكر والعياذ بالله وهذا يدل على أنه لو كان عنده شيء لقربه. الشيخ dit ils ont dit à un d'entre ces deux là sacrifie quelque chose. Et l'autre a dit, je n'ai rien à sacrifier. Et le cheikh, il dit, il s'est excusé en disant qu'il ne l'avait pas. Et le cheikh, il dit qu'il n'a pas dit que d'égorger ou de sacrifier pour autre que Allah, c'est interdit et que c'est shirk, hein, et que c'est munkar. Il n'a pas dit ça. Ça veut dire que s'il avait eu quelque chose à sacrifier avec lui, il l'aurait fait. Donc, la raison pourquoi qu'il l'a pas fait du premier coup, c'est parce qu'il avait rien. Hein? Et après, le cheikh, il dit, وَقَالُوا لَهُ قَرَّبُوا لَوْ زُبَابًا فَقَرَّبَ زُبَابًا يعني, اذْبَحُوا لِلصَّنَمْ فَقَرَّبَ زُبَابًا فَقَلَّوا سَبِيلَهُ سمحوا له بالمرور فدخل النار بسبب الشرك وأنه ذبح لغير الله والعبرة بالنية والقصد لا بالمذبوح والقصد أنه ما استنكر هذا الشيء ولا تمنع منه وإنما اعتذر بعدم وجود الشيء أو بعدم وجود شيء فلذلك دخل النار والعياذ بالله. الشيخ dit ils ont dit sacrifie n'importe quoi, même une mouche. Alors il a sacrifié une mouche, il l'a sacrifié pour cet animal, pour cette idole, pardon. Donc ils l'ont laissé passer. Ils l'ont laissé continuer son chemin et traverser leur ville ou leur village. Et il est rentré à cause de ça dans l'enfer à cause du shirk qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a sacrifié pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le point dans cette histoire, c'est pour montrer que l'intention, c'est ça qui compte. C'est pas qu'est-ce que tu sacrifies. C'est l'intention que tu as de sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est pas le fait que tu as sacrifié, comme par exemple, un animal comme un chameau ou une vache, qui est un gros animal, ou bien quelque chose de plus petit, comme une fourmi ou une mouche, et tu dis ça c'est petit, c'est pas shirk. Hein? C'est pas la grosseur de la bête qui fait la grandeur du péché. C'est l'intention qui est dans le cœur du fait de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il a fait le shirk, il s'est pas repenti, et il est mort sur ce shirk, donc il est rentré en enfer à cause de ça. Et donc, ça c'est pour montrer que il s'est excusé parce qu'il en avait pas, et c'est pour ça qu'il a sacrifié cette mouche et il a été rentré en enfer. قالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله امتنع وأنكر الشرك فضربوا عنقه يعني قتلوه فدخل الجنة بسبب التوحيد. في هذا الحديث فهذا الحديث حديث عظيم فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى، هذا الحديث فيه جواز الإخبار عن الأمم السابقة والتحدث عنها بما ثبت لأجل العظة والعبرة. والمسألة الثانية، في الحديث دليل على تحريم الذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، لأن هذا الرجل الذي ذبح الذباب دخل النار حتى لو كان المذبوح شيئا تافها. والرجل الثاني عظم الشرك وتجنبه ولو كان شيئا حقيرا فدخل الجنة. شيخ الجداد حديث يدي دي بوينت خيز امبوختان. لو برمي بوينت c'est que dans le hadith il y a la preuve qu'il est permis de mentionner des histoires qui sont arrivées à des peuples qui ont précédé la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le but de prendre une leçon et une morale dans ces histoires-là. Deuxièmement, et du moment qu'elles sont rapportées authentiquement, yani. Deuxièmement, dans le hadith il y a la preuve que c'est interdit de sacrifier quoi que ce soit à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et que celui qui sacrifie pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait le shirk. Le shirk, il dit, parce que cet homme-là, il a sacrifié une mouche et il est en train d'en faire. Donc même si la chose que tu sacrifies c'est une chose insignifiante, ça compte comme étant un acte de shirk, tandis que l'homme, le deuxième, il a compris la gravité du shirk, ok, et donc il s'est écarté de sacrifier quoi que ce soit pour autre qu'Allah, même si c'était une chose insignifiante, hein, et il est rentré au paradis à cause de ça. والمسألة الثالثة كما قال الشيخ رحمه الله في مسائله أن المدار على أعمال القلوب وإن كان الشيء في الظاهر تافها ولكن المدار على عمل القلوب. Troisièmement, comme le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans les Masa'il, à la fin de chaque chapitre, il a mis des points importants, et parmi les points qu'il a mentionnés, c'était que tout est centré autour du cœur, en réalité, dans l'islam. Tout part du cœur. Parce que, à l'origine, tes actions, elles sont poussées et motivées par qu'est-ce qui est dans ton cœur. Ok? Donc, les intentions, ça part d'où? Ça part du cœur. Ok? Et qu'est-ce qui te pousse à agir? C'est qu'est-ce qui est dans ton cœur. Donc, tout revient toujours au cœur. Ok? Et donc, même si, à la base, tu dis, égorger une mouche, c'est quelque chose d'insignifiant. Hein? Mais, ça revient toujours à ce qui est dans le cœur, comme on a dit. Donc, du fait que cette personne-là, dans son cœur, il n'avait pas de respect ou pas de crainte pour le shirk, hein, et il n'a pas compris la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait que lui seul mérite d'être adoré, et donc, à cause de ça, il a sacrifié pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a pris ça comme étant une chose qui ne méritait pas d'importance. Et l'autre, il a créé Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur, il a su la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a su la laideur du shirk, même si c'était à cause d'une chose insignifiante. Et il s'en est écarté. المسألة الرابعة، فيه دليل كما قال الشيخ رحمه الله على قرب الجنة والنار من الإنسان كما قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله أو سأسي لوت حديث وسيكي mentionné. Est-ce que tu as le livre avec toi? Est-ce qu'il est mentionné ce hadith-là? Al-Janna aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wa naru mithla dhalik. Est-ce que c'est mentionné? Oui, dans le même bab. Parce que ici il est mentionné, tandis que dans le. Tu vois? Ici, il est mentionné, tandis que dans cette version, dans ce livre-là, il n'est pas mentionné. Peut-être que le cheikh l'a mentionné dans les masa'il. Il ne l'a pas mentionné dans le chapitre lui-même. Toutefois, c'est un hadith authentique. Ok. Et ça dit quoi? C'est rapporté par Al-Bukhari. Ok, c'est un hadith authentique. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le paradis est plus près de l'un d'entre vous que les lacets de ses sandales. Shiraquna alihi. C'est-à-dire que les lanières qui sont utilisées pour attacher ses sandales. Donc ça veut dire que le paradis est très près de l'un d'entre nous. Et l'enfer de la même chose. L'enfer également. Ok. Donc l'enfer est plus près de toi que les lacets de tes sandales ou de tes souliers, et le paradis la même chose. Donc le cheikh il dit وهذا هذا ضرب عنقه فدخل النار وهذا دخل وذاك خلى سبيله فدخل النار. يعني c'est comme si pour dire regardez une petite affaire يعني vraiment يعني petite et puis ça te fait soit rentrer au paradis soit rentrer en enfer. Ça veut dire que c'est très proche. La ligne entre le paradis et l'enfer, elle est très mince. Ça, ça veut dire. Hein? Il n'y a pas grand-chose qui les sépare. Donc, il faut faire attention, c'est ça ce que ça veut dire. Il faut faire attention parce que ça ne prend pas grand-chose. Comme si on prend les choses des fois à la légère. Ok? Parce que, par exemple, regardez, juste pour vous donner un exemple, comment les gens parfois ils jugent tellement mal ceux qui ne connaissent pas le tawhid. Si tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu préfères? Par exemple, si je te donne, si tu penses, lequel est plus grave? Tuer quelqu'un, ou faire le zina, ou manger du porc, ou boire de l'alcool, ou sacrifier une mouche pour autre que Allah? La plupart des gens, ils vont dire sacrifier une mouche, peut-être, parce qu'ils vont dire, ben, c'est pas un gros péché, tu tues une mouche, c'est pas grave, c'est-à-dire que tu es un être humain, ou voler, ou faire le zina, ou des choses comme ça, ça c'est grave. Pourtant, sacrifier la mouche, c'est plus grave que tous les autres, parce que c'est shirk d'Allah. Et un shirk, Allah il ne le pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tandis que les autres péchés, si tu meurs avec le tawhid, tu meurs en commettant les autres péchés, eh bien Allah il peut te pardonner s'il veut. Sinon il te met en enfer pour un temps, et puis tu sors par la suite parce que tu as encore l'iman et le tawhid. Quand tu fais le shirk, c'est fini, tu es en enfer pour l'éternité. Tu ne sors jamais. Même si c'est un shirk qui est fait avec quelque chose d'insignifiant. Hein. Et c'est comme ça qu'on voit que les gens n'ont rien compris. En grande partie, beaucoup de musulmans, ils n'ont pas compris le tawhid. Et l'islam, parce que le tawhid c'est l'islam. Si t'as pas de tawhid, t'as pas d'islam. Donc, s'ils n'ont pas compris ça, ils n'ont pas compris l'islam. Et ok. Ouais, c'est ça. Donc, comme le père a dit, quelqu'un qui veut le zina avec sa propre mère, fait l'inceste avec sa propre mère, c'est un grave péché. Ses élèves ont dit, ah, zubillah, ça c'est grave. Hein? Et quelqu'un qui lui dit, quelqu'un a sacrifié une mouche pour autre qu'Allah. Ça fait pas de mal à personne. Les gens aujourd'hui, c'est comme ça. Ils jugent le bien et le mal par l'effet que ça a pu avoir sur les autres. Si ça fait juste du mal à soi-même, ça c'est un peu grave, mais pas tellement. Si ça fait pas de mal du tout, en apparence ou en effet, physique, ils considèrent que c'est presque pas mal. Si ça fait du bien, à la limite, ils vont dire que c'est une bonne chose. Hein, comme quelqu'un qui fait le zina. Sur le fait, quand il est en train de commettre le zina, ça, il s'imagine que ça lui procure du bien. Alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il ne s'imagine pas que ça peut être mal. Il y en a même des koufars qui disent, comment ça peut être un péché alors que ça procure du plaisir ou du bien. Mais les effets et les conséquences de ce péché-là sont graves. Mais le shirk, c'est grave, plus grave que tous ces péchés-là. Même que manger du porc. Hein. Peu importe la quantité de porc que tu peux manger, hein, le shirk c'est plus grave. C'est pas pour essayer de dénigrer l'importance ou la gravité de faire des péchés. Non. Faire des péchés, c'est haram, c'est grave. Et c'est quelque chose de dangereux, qui peut te faire entrer en enfer. Mais, à côté du shirk, c'est rien. À côté du shirk, par rapport au shirk, c'est pas comparable. Parce que le shirk, c'est le plus grand de tous les péchés, celui qui te fait garantir l'enfer pour l'éternité. Tandis que, autre que le shirk, Allah le pardonne à qui il veut. Et ça, ça nous aide beaucoup à comprendre cet exemple-là dans ce hadith. Ça nous aide beaucoup à comprendre une chose pareille. D'accord? Ensuite, le cheikh dit, al-mas'alatul khamisa. Hein, c'est pour ça que ceux, par exemple, qui vont dire, ah, mais jusqu'à quand on va parler de tawhid? Jusqu'à quand on va parler d'aqidah, là, à chaque fois, toujours, tawhid, tawhid, tawhid. Non, mais c'est parce que ça, c'est la base de l'islam. Et c'est qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? C'est qu'est-ce qu'on n'entend jamais parler, presque. Il y a des cours sur tout, maintenant, de nos jours, mais sur le tawhid, très peu qu'on entend parler de ce sujet-là dans les mosquées. Hein? Combien de mosquées qui enseignent ou qui tapent le tawhid à Montréal? Ça, c'est juste à Montréal, parce que si j'agrandis le cercle, là, c'est encore peut-être moins. Donc, alhamdulillah. Oui, c'est vrai. Pas beaucoup de choses qui expliquent les règles de tawhid et de la base de l'islam. Non. Exactement. Puis, c'est ça. C'est comme le frère il dit, c'est vrai. On enseigne aux enfants juste à mémoriser les versets dans le Coran. Pas à les comprendre. Et à essayer d'appliquer cette compréhension-là dans notre vie et dans qu'est-ce qui est dans l'environnement dans lequel on est et dans le monde qui est autour de nous. Et ça, c'est un grave problème, hein? Parce qu'il y a des gens qui pensent que le Coran c'est un livre qui était révélé il y a 1400 ans et qui parlait de cette époque-là et que le monde actuel n'a aucun rapport avec qu'est-ce qui est révélé dans ce livre-là. Alors que c'est le contraire, c'est une parole, c'est pas la parole d'un être humain, c'est la parole d'Allah, Rabbul Alamin, et il connaît bien le passé, il connaît tout, le passé et l'avenir. Et tout ce qui arrive aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam des règles qui sont capables d'être appliquées aujourd'hui à la perfection, qui sont capables de régler le problème jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est une parole de celui qui connaît l'invisible, qui connaît l'avenir et le passé. C'est pas la parole d'un être humain qui est limité, hein, comme les êtres humains ici par exemple, les koufars ou les autres parmi les non-musulmans de d'autres différentes religions, qui se font des lois et à chaque 10 ans, à chaque 20 ans, à chaque 40 ans, ils sont obligés de rechanger, de refaire des nouvelles lois parce que leur système ou le mode de vie change et tout change. Alors que les paroles d'Allah sont faites d'une façon à ce qu'elles sont capables d'être appliquées à toutes les époques. Hein? Et elles sont capables de, disons, de régler et de gérer des nouvelles situations à chaque fois. À cause des principes et des fondements sur lesquels, ces règles-là sont établies. Le cheikh il dit, al-mas'alatul khamisa, et c'est la dernière, أن هذا الرجل الذي ذبح الذباب كان مؤمنا فدخل النار بذبحه الذباب لأنه لو كان كافرا لدخل النار بكفره لا بذبح الذباب فدل على أنه كان مؤمنا وهذه مسألة خطيرة جدا فأين الذين يذبحون للقبور وللجن وللشياطين والعفاريت وللسحرة فدل على أن الشرك الأكبر يخرج من الملة ولو كان شيئا يسيرا، فأمور التوحيد وأمور العقيدة لا يتسامح فيها. La cinquième chose, c'est que le chef dit que cet homme qui a sacrifié une mouche, il était parmi les croyants et il est rentré dans l'enfer pour avoir sacrifié cette mouche. Parce que s'il était kafir avant d'avoir sacrifié cette mouche, eh bien, il serait rentré dans l'enfer à cause de son kufr, parce qu'il était déjà dans la mécréance auparavant. Hein, donc ça aurait juste fait augmenter sa mécréance. Hein. Mais ça montre que donc si quelqu'un est croyant, hein, si quelqu'un est musulman et croyant, puis qu'il sacrifie pour autre qu'Allah, il quitte l'islam, il annule son tawhid et son shahada de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et il sort de l'islam à cause de ça. Donc qu'est-ce qu'on peut dire si c'est le cas pour celui qui sacrifie pour une mouche? Qu'est-ce qu'on peut dire pour celui qui sacrifie pour les tombes, hein, ou pour les djinns, ou pour les shayatins, parmi les diables, ou pour les sorciers, hein. Quand quelqu'un va voir un sorcier puis lui dit j'ai besoin de telle chose, ou j'ai telle maladie, ou je veux me marier avec telle femme, et le sorcier lui dit, hein, des fois il les appelle pas sorciers, des fois il dit le marabout, ou le cheikh, ou le, hein, des choses de ce genre, faqih ou d'autres choses, alors que ce sont des shayatins, ce sont des sorciers, des sahara. Alors il a dit ok, va sacrifier tel animal, ou bien pour telle chose en dehors d'Allah. Donc ça c'est du shirk, et le shirk c'est celui qui fait un shirk akbar, il sort de l'islam, même si c'est une petite chose, même si c'est comme sacrifier pour une mouche comme dans cet exemple. Donc ça prouve que les choses qui ont rapport avec le tawhid et avec les choses qui ont rapport avec l'aqidah, ce sont des choses dans lesquelles on ne peut pas donner d'excuses aux gens, dans le sens que c'est des choses graves et sérieuses. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui, puis on continuera demain bi'idhnillah. Et on a fini le chapitre en passant, donc demain le chapitre qu'on va faire, qu'on va commencer, le nouveau chapitre, c'est le chapitre 11, et c'est Babun la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi lighayrillah. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de sacrifier pour Allah à un endroit où les gens sacrifiaient pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et on va expliquer demain, inshallah, qu'est-ce que ça signifie. Et comme on peut constater, c'est la suite de ce chapitre. C'est la continuation de ce chapitre, mais disons des détails un peu plus spécifiques à ce sujet-là. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.